Go be the Ranger. Go be the Ranger. Ils ont ravi les costumes. Je sens vraiment les super-héros. Go be the Ranger. Go be the Ranger. Avec pas de panique, grâce à leur super pouvoir bionique. Go be the Ranger. Go be the Ranger. Tous un tour de leur leader, Super Sentai, be the Ranger. Go be the Ranger. Go be the Ranger. Prenez garde les pitomans, les Rangers arrivent à coup d'attaque. Go be the Ranger. Go be the Ranger. Des foutus en nique nous, la suite parfois ils en louent. Go be the Ranger. Go be the Ranger.